C'est l'histoire d'un géologue qui, presque par hasard, en 2008, en allant étudier des roches dans une carrière au Gabon, a fait une découverte majeure qui remet en question ce que les scientifiques pensaient savoir sur les origines de la vie sur Terre. Avec ses collègues, notre géologue Abderrazak El Albani a mis au jour des fossiles correspondant à des formes de vie complexes composées de plusieurs cellules vieux de 2,1 milliards d'années. Avant cette découverte, il était communément admis que les organismes complexes de ce type était apparu beaucoup plus tardivement au cours de l'histoire de notre planète, 1 milliard d'années plus tard. À quoi ressemblaient ces premiers organismes pluricellulaires dont personne ne soupçonnait l'existence? En quoi leur découverte bouleverse-t-elle le scénario des origines et du développement de la vie à la surface du globe? C'est ce que nous allons voir avec Abderrazak El Albani. Il vient de publier avec ses collègues Alain Meunier et Roberto Marcarelli un ouvrage très joliment illustré intitulé « Comment tout a commencé sur Terre » aux éditions Humaine Science. Cet après-midi, il va nous raconter cette passionnante aventure scientifique qui l'a conduit sur les traces des premières formes de vie qui se sont développées sur notre planète. Et en toute fin d'émission avec la biologiste Audrey Dussoutour, c'est à une forme de vie actuelle mais très énigmatique que nous nous intéresserons, le blob. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Ce qui est intéressant, c'est la répartition en fait. Il y en a un paquet. Hein. Et regarde la répartition spatiale. Ça, on a vu sur, on a déjà vu ça. Ça, hein. Ça, ah, puis t'en as une belle avec les étoiles. Ouais, là, ouais. Bah, les classiques, quoi. Les classiques, ouais. Ouais, mais elle est quand même belle. Wow. Excellent. Paul, pose l'empreinte de l'autre côté. Alors là, mes gars, je vais vous montrer un spécimen magnifique. Et voilà son empreinte, il est là et ça ressemble à celui qu'on a récupéré l'autre fois. C'est un vrai puzzle. Bon, c'est un travail de titan parce qu'on peut passer l'année ici. Hein. Parfois, c'est même, je dirais, déprimant parce que le temps, pas le temps, pas beaucoup de temps. Enthousiasme et découragement de notre invité Abderrazak El Albani sur le terrain de fouille au Gabon. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes géologue à l'université de Poitiers et nous venons donc d'entendre à l'instant, vous étiez avec vos collègues sur l'un des chantiers de fouille au Gabon en train de vous émerveiller devant ces fossiles vieux de 2,1 milliards d'années. Ces fossiles constituent une découverte majeure. En quoi contredisent-ils le scénario de l'apparition de la vie sur notre planète, de la vie complexe. La vie complexe, oui. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est macroscopique, de grande taille, qui peut aller du centimètre à 22, 23, 24 centimètres. Et on ne peut que s'émerveiller parce que c'est quelque chose qui sort de la version officielle et du dogme qui a été toujours la vie multicellulaire, la vie complexe, c'est 550, 560 millions d'années. Mmh. Et là, on est sur 2 100 milliards et on est sur des organismes extrêmement complexes et diversifiés. Ouais. Donc, avec cette découverte, vous trouvez des organismes dont on pensait qu'il n'était absolument impossible qu'ils aient existé à cette période-là de l'histoire de la vie sur Terre. Absolument, parce que les fenêtres sur l'histoire de la vie, des fenêtres en excellent état de conservation, hélas, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand il y en a une, ben, on essaye de comprendre, mais le chemin est lent. Eh oui, on va s'en rendre compte dans cette émission. Alors qu'est-ce qui vous a conduit sur ce chantier de fouilles au Gabon? Nous sommes en 2008, vous y allez, mais pour une étude géologique, vous n'avez pas l'impression que vous allez révolutionner les scénarios de la vie sur Terre? Il n'y a aucune raison. Je suis qui? Je suis rien. Je suis un simple chercheur, entre guillemets, enseignant-chercheur d'une université française. Non, ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un concours de circonstances, je dirais. Il y a d'abord l'ouverture de l'université de Poitiers sur l'international. Et ça, c'est un des points forts. J'insiste là-dessus. Cette ouverture nous a permis d'avoir des contacts importants avec un certain nombre de pays, dont le Gabon. Et l'ambassade de France, à l'époque, m'a contacté, moi, directement. Alors, pourquoi moi, je le dis toujours, je ne sais pas. Mmh. Et du coup, juste pour me demander d'aller travailler, faire de la géologie, faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire parler les roches qui ont un certain âge. Et alors, vous allez dans cette carrière, on y trouve une roche un peu particulière, organisée en feuillets. Et entre les feuillets de cette roche, vous voyez apparaître d'étranges dessins, d'étranges structures. Mais dans un premier temps, vous vous dites d'où ça vient, quel phénomène géologique est à l'origine de ça. Vous n'imaginez pas tout de suite qu'il puisse s'agir d'organismes vivants. Il n'y a aucune raison de l'imaginer. Nous ne sommes pas spécialistes et on n'avait pas de spécialistes en France. Et jusqu'à aujourd'hui, on se bat pour qu'il y ait des spécialistes de ces formes de vie, de ce qu'on appelle la paléobiologie en France. Donc voilà, ça commence. Et donc il n'y a aucune raison. Et puis, bah, quand on voit des choses particulières, quand on est chercheur, on a cet instinct qui s'appelle la curiosité. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le chercheur dont... Et à partir de ce moment-là, on se pose la question, mais pourquoi on a ces formes-là? Pourquoi c'est minéralisé, etc. Et c'est une carrière, je le dis, qui est ouverte depuis au moins 25 ans. Donc c'est une carrière qui est ouverte pour tout le monde. Tous les géologues sont passés par là, tous les miniers sont passés par là. Donc on n'était qu'une équipe parmi d'autres à passer par cette carrière. Ce qui veut dire que beaucoup de gens sont passés à côté de ces fossiles dans cette carrière. Alors vous, vous avez décidé d'avancer prudemment, vous avez demandé à des spécialistes de se pencher sur vos fossiles. Certains vous ont un peu dédaigné, hein. Vous avez dit, mais renseignez-vous avant de me déranger en quelque sorte. Hein. Gentiment et diplomatiquement, mais en fait au final c'est ça. Oui. Voilà. Mais encore une fois de plus, c'est l'équipe. C'est la notion d'équipe qui prime dans cette histoire. S'il n'y avait pas une équipe autour de moi, je ne ferais absolument rien. Au début, les réponses que vous avez, c'est des réponses... On vous prend pour un scientifique naïf qui arrive comme ça, mais c'est qui? Où ça se trouve Poitiers sur une carte? Tu sais, pour un Américain, Poitiers, c'est difficile à localiser. Et après, bon, on commence à se renseigner. C'est la deuxième ou troisième plus vieille université de France. Et puis, voilà. Et donc, cette équipe m'a aidé à trouver les gens ouverts d'esprit. Hein. Je me rappelle toujours un Anglais qui me disait, de Cambridge University, qui me disait, allez-y voir un tel, il est beaucoup plus open mind que moi. Bon, très bien. Il a bien fait d'ailleurs, parce qu'il a, il m'a orienté vers quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert d'esprit. Mais c'est pas pour autant que c'est facile, parce qu'il a fallu tout construire pour sortir de la version officielle, et ça, c'était pas évident. Et certains chercheurs, open mind, ouverts d'esprit, ont accepté de passer 3 jours dans votre laboratoire à scruter ces traces qui ressemblaient à des fossiles. Alors certes, ils sont open mind, mais ils nous ont pas du tout signé un chèque en blanc. Quand ils sont arrivés, nous, on a préparé le terrain, c'est-à-dire on a fait 2 missions avant, ce qui était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. On a préparé les choses, mais ils arrivaient prudemment, parce que ils arrivent avec un bagage de 200 ans, entre guillemets, de bibliographie qui nous dit, voilà, 560 millions d'années, c'est l'émergence de la vie multicellulaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? L'histoire de la Terre, c'est 4 milliards 550 millions d'années. On a le droit de se poser la question. Mmh. Et quand ces gens-là sont venus nous voir, on a entamé quelque chose de très sérieux, de très pluridisciplinaire, international. Et finalement, ça s'est concrétisé en 2010. Ouais, alors, en 2010, hein, votre découverte fait la une de la très prestigieuse revue Nature. C'est un peu une consécration, là, pour le scientifique. Ah, c'est une reconnaissance, hein. C'est une reconnaissance, c'est une fierté à la fois pour, comment dire, vaincre le dogme, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Mais c'est pas pour autant que tu vas supprimer les dogmes. Non, c'est une ouverture d'une expérience qui dure jusqu'à présent et j'espère que ça va continuer encore. Et je pense que les jeunes générations qui arrivent, ils auront de quoi faire. Il y a encore La découverte a fait la une de Nature. Elle a aussi été largement reprise dans les médias et notamment dans les journaux de France Inter. Les origines de la vie, un débat vieux comme le monde. Quand la vie est-elle apparue sur Terre? Au Gabon, une équipe française vient de faire une découverte majeure. Et la découverte risque de pulvériser nos connaissances en la matière. Les fossiles trouvés par les scientifiques sont vieux en effet de plus de 2 milliards d'années. Hier encore, on estimait que les premières cellules dataient d'à peine 670 millions d'années. On vient de prendre un grand coup de vieux et tout cela grâce à la découverte de ces fossiles au Gabon. Les premiers sceptiques, c'était nous, parce que façonnés nous aussi par ce qu'on a lu depuis toujours, que la vie pluricellulaire a explosé à moins 670 millions d'années, on n'était pas prêts d'admettre nous-mêmes que c'était des vrais fossiles. Une vie organisée à 2 milliards 100 millions d'années, c'est pas ce que j'enseignais jusqu'à l'an dernier. La voix d'Alain Meunier, l'un des co-auteurs de votre ouvrage « Comment tout a commencé sur la Terre » aux éditions Humaine Science. C'est intéressant hein, ce qu'il dit, c'est que c'est une remise en question personnelle. Vous-même, Abderrazak El Albani, vous avez enseigné pendant des années à des étudiants des choses fausses. Il a fallu se remettre en question. Alors, on peut pas dire fausses parce que c'est ce qu'on avait en main dans la littérature. Donc nous, dans nos travaux de recherche et d'enseignement, on se base sur ce qui est publié. Et ce qui était publié, c'était ça. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Ah bah, et donc, on a changé nos cours. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que quand on va, on a la chance d'être invité dans d'autres pays, etc. Et les collègues me disent, oui, on a changé nos cours par rapport à cette histoire d'émergence. Et ça a beaucoup, beaucoup d'implications, contrairement à ce qu'on peut croire sur l'histoire de l'évolution, sur les recherches sur Mars. C'est une leçon, certes, de terriens, mais les martiens, c'est-à-dire les collègues qui travaillent sur Mars, ils s'inspirent pour éventuellement essayer de voir sur quel type de roche on peut poser un rover, quel type de recherche on peut mener, parce que l'objectif sur Mars, c'est de chercher des formes de vie. Donc elle a ouvert pas mal de voies et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, vous avez évidemment continué, hein, après cette première publication dans Nature, vous avez continué vos études, vous retournez régulièrement sur le terrain au Gabon. Et que sait-on aujourd'hui sur ces organismes pluricellulaires, complexes, qui ont vécu il y a plus de 2 milliards d'années? Qu'est-ce qu'on sait de ces organismes vivants? Alors, en 2014, on a pu montrer qu'il y a une biodiversité, parce qu'on avait des tailles, des formes variées. Donc, c'est la plus vieille biodiversité dans un écosystème marin. Ouais. C'est tout un écosystème que vous avez découvert. Oui. Avec, en plus, des traces de mouvements. C'est ce qu'on a publié dans l'Académie des sciences américaines en février 2019. Ouais. On a montré qu'il y a, pour certaines formes, ils se déplacent. Ça aussi, c'est une révolution. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas statiques. Ce sont des petits animaux, alors, ces organismes? Alors, le terme animal, on ne l'a jamais utilisé. Parce qu'on est dans les prémices de développement de la pluricellularité. Et vous savez, la science, il faut aller progressivement et on ne peut pas tout de suite, comme ça, tout balayer sur nos connaissances. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le mouvement montre que ce sont des organismes multicellulaires et les cellules, ce sont des cellules eucaryotes pour faire du mouvement et traverser les petites lamines de vase, de boue, en horizontal, en oblique et en vertical. Il faudrait quand même qu'il y ait une certaine sophistication biologique. Mmh. Et là, c'est quelque chose sur laquelle les comptes rendus de l'Académie des sciences sont appuyés sur le fait que ce sont des cellules de type eucaryote, c'est-à-dire avec un noyau. C'est-à-dire que, contrairement aux bactéries qui sont des cellules sans noyau, une seule cellule, hein, une bactérie c'est une seule cellule, là on a des organismes faits de plusieurs cellules qui ont, comme nous-mêmes, des noyaux à l'intérieur de chaque cellule. C'est ça. Ces formes de vie, celles que vous avez trouvées, en tout cas les empreintes de ces formes de vie, elles ressemblaient à quoi? Alors moi j'utilise un terme imagé pour que les gens puissent se rendre compte. Ce sont des formes avec un aspect soit lobé, allongé, en chapelet, mais une texture médusaire, parfois circulaire, bien circulaire, qui ressemble à des méduses. Je dis bien qu'elles ressemblent à des méduses. Je dis pas que ce sont des méduses, ça a toute la forme, toute la morphologie d'une méduse. Quelque chose de gélatineux. Certainement translucide et organisé un peu en chapelet, en collier. Absolument. Et quand on utilise la microtomographie, c'est-à-dire le scanner qui nous permet de les étudier en 3D, on se rend bien compte que ce sont des organismes qui présentent un tissu mou, gélatineux, plissé, organique. Donc on est vraiment dans quelque chose d'organique, mais très riche en eau. Donc c'est pour ça que le terme médusaire me convient bien. Ouais, et c'est effectivement une recherche qui a de quoi méduser. Pourquoi à cet endroit précisément, au Gabon, ces fossiles se sont conservés? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le sol, la roche à cet endroit-là? Alors cet endroit-là, c'est le bassin de Franceville, ça s'appelle comme ça. Il y a une ville qui s'appelle Franceville, c'est formidable. Ouais. Et il a la particularité d'être le bassin le mieux conservé au monde de cet âge-là. On a des roches qui sont de 2 milliards 100 millions d'années, ils n'ont pas subi de transformation. Donc on a une fenêtre formidable sur l'histoire de la vie. Alors pourquoi? Parce que on a une ceinture de roches granitiques qui sert de bouclier pour protéger ce bassin sédimentaire vis-à-vis de toutes les contraintes et déformations tectoniques qui pourraient déstructurer la roche. Et ça, c'est vraiment exceptionnel et ce, seulement dans ce bassin-là. Qu'est-ce qui a permis à ces formes de vie complexes d'émerger il y a 2,1 milliards d'années? La vie complexe est-elle apparue à plusieurs reprises sur Terre? Et avant cela, que sait-on de l'émergence des toutes premières formes de vie faites d'une seule cellule? C'est ce que nous allons voir avec vous, Abderrazak El Albani, dans la suite de cette émission. Je n'ai aucune indication de ville ou de technologie, mais la présence de formes vivantes est signalée. Il y a de la vie sur cette planète. À l'origine, on n'était pas des sauvages. À l'origine, on n'habitait pas la cage. Au premier signe, on libérait les otages. À l'origine, on faisait pas l'étalage. De nos racines, on n'avait pas d'héritage. À 10 centimes, on n'était pas si volage. Pas besoin de prophète. À l'origine, les poules étaient des nuggets et pas du sang. sa voisine, on faisait pas de chantage. À la cantine, il n'y avait pas de potage, de carabine, de messager de passage. À Colombine, il va y avoir un carnage. En haut des cimes, il n'y avait que les nuages. Lieu, lieu, lieu commun. À l'origine, on n'était pas des minables. À l'origine, on piratait pas le câble. À l'origine, il y avait moins de vocables. Entre les lignes, on était beaucoup moins stable. À l'origine, il n'y avait pas le Mossad. On s'y résigne, on n'était pas si Mossad. Dieu. C'était à l'origine de Benjamin Biolay. La programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. Du Vent dans les Synapses, Daniel Fievé. Si on représente l'âge total de la Terre, c'est-à-dire 4,55 milliards d'années, sous la forme d'un livre de 100 pages, la vie existe avec certitude, page 23. Page 23 correspond à 3,5 milliards d'années et c'est l'âge des plus anciens microfossiles découverts dans les stromatolites. La vie est déjà diversifiée. Il y a 5 ou 6 variétés à ce jour qui ont été identifiées dans ces stromatolites. Le plus ancien sédiment apparaît à la page 17. Ce sédiment nous apprend que l'eau existait il y a 3,8 milliards d'années sous forme liquide. Il y a dans ce sédiment un galet qui a été façonné par de l'eau courante. Entre la page 0, origine de la Terre, et la page 18, nous n'avons aucun indice. Et pourtant, c'est dans ces pages blanches qu'est apparue la vie. L'exobiologiste André Braque, en 1997, on s'intéresse cet après-midi à ces premières pages de l'histoire de notre planète qui restent à écrire, ou plus exactement à déchiffrer. Nous en parlons avec le géologue Abderrazak El Albani, auteur de « Comment tout a commencé sur Terre » aux éditions Humaine Science. C'est un ouvrage très joliment illustré par les dessins de Adelina Kulmakanova. Il fallait bien ça pour aborder cette grande question des origines de la vie. Aujourd'hui, cette question constitue certainement l'une des énigmes les plus difficiles à résoudre pour les scientifiques. C'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup, j'allais dire, d'excitation intellectuelle parce que beaucoup d'équipes maintenant bossent là-dessus. Que ce soit en France, ça commence, hein, ça prend pas mal d'importance, mais les Américains, les Anglais, les Japonais, ils bossent beaucoup là-dessus. Il y a deux questions majeures. La première, c'est de savoir, là on est vraiment dans l'exobiologie ou dans ce qu'on appelle la chimie probiotique aussi, ouais. Les premiers briques du vivant, hein, quelles sont les toutes premières molécules qui vont nous permettre d'avoir des chaînes d'ADN ou des petites chaînes pour faire les premières bactéries. Ça, c'est la première question qui est majeure. Et la deuxième question que je trouve, à mon goût, hyper importante, c'est à partir de quel moment on va passer d'un stade bactérie à un stade de cellules type eucaryote. Ouais. Ça, c'est deux questions majeures dans l'histoire du vivant où on n'a pas encore compris comment ça fonctionne. Alors, prenons-les dans l'ordre, ces deux questions. D'abord, l'apparition de la vie. Donc là, on parle des premières cellules. À quand remonte la première trace de vie sur Terre ? Alors, il y a des travaux qui ont été publiés. Alors, comme toute la recherche, il y a des choses qui sont plutôt controversées, etc. Les 3,8 milliards d'années, il y a des chercheurs qui ont pu dater des roches avec des restes de bactéries de 3,8. Alors, la datation est contestée. Par contre, le consensuel, c'est 3,5 milliards d'années. Mmh. Voilà. Donc, on va dire, on est dans la marge d'erreur, pratiquement, ouais, ouais. Quand on travaille sur ces âges-là. Mais la question posée, c'est comment ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Celle qui a l'air aujourd'hui de faire consensus, c'est que les premières briques du vivant viennent des météorites carbonées. Donc l'origine de la vie, elle est plutôt extraterrestre, hein, j'allais dire. Hein, dans le sens où la Terre a été à un moment dans son histoire, vers 3,8 milliards d'années, bombardée lourdement par des météorites. Et parmi les météorites qui nous ont bombardés, il y a des météorites carbonées qui peuvent apporter du carbone, peut-être d'autres éléments, de l'azote, des choses comme ça. Et puis bon, voilà, il faudrait que toute cette chimie puisse se mettre en place pour permettre la mise en place de ces chaînes qui vont donner plus tard des bactéries. Ou ça reste un gros point d'interrogation, hein, là, parce que on est un peu en train de parler d'une génération spontanée. On dit, voilà, il y a des briques qui sont arrivées, peut-être venues d'ailleurs, venues de l'espace, sur cette Terre primitive, et elles se sont agencées pour former la vie. Ça reste quand même un gros point d'interrogation. Hein. Il manque quand même un maillon dans l'explication. Alors, hein. Pourquoi la raison est, j'allais dire, simple, c'est peut-être pas le mot, mais trouver des roches de cet âge-là, en excellent état de conservation qui vont nous raconter cette histoire, c'est très difficile. Il faut juste savoir qu'une roche a le pouvoir d'avoir le rôle d'une boîte noire d'avion, j'allais dire. Donc quand on a une roche qui a un magazine qui se trouve autour d'elle, donc l'histoire du vivant, bah c'est formidable, mais à condition que cette roche soit en excellent état de conservation. C'est le cas du Gabon. Ouais. Mais quand on descend encore dans le temps et on est sur des formations beaucoup plus anciennes, autour de 3 milliards 5, 3 milliards 6, etc., ça devient extrêmement complexe de pouvoir extraire des choses qui peuvent vraiment arriver à nous apporter des certitudes, entre guillemets, sur le premier brique du vivant. Ouais. Alors, sur les premières briques du vivant, là, les chercheurs, pour le moment, sèchent un peu. Là où, quand même, ils arrivent à remonter l'histoire, c'est sur la géologie et la formation de notre planète. Hein, vous y revenez dans votre ouvrage. On sait à peu près comment, à l'origine, au tout début de notre planète, à quoi elle ressemblait. Elle était très différente d'aujourd'hui. Oui. Comment notre planète s'est-elle formée il y a 4,5 milliards d'années? Alors, il y a 4,5 milliards d'années, bon, notre planète, elle s'est formée à partir d'un certain nombre de nuages, de particules qui s'est agrégée au fur et à mesure. Et puis, bah, finalement, on a quelque chose qui se met en place, une petite masse qui va devenir de plus en plus, j'allais dire, solide. Et puis, on a des océans de volcans. C'est très magmatique. Mmh. Alors, le terme volcanique, on peut l'utiliser, mais surtout le terme magma. Le magma, c'est une roche fondue avec des températures qui dépassent les 1000 degrés. Voilà au départ comment elle était, cette planète. Ouais. Vers 4 milliards 500 millions d'années. À ce moment-là, il n'y a pas d'eau sur Terre, hein. Ce sont des océans de magma. Quand est-ce que l'eau arrive sur Terre? Alors, l'eau va commencer à arriver aux alentours de 4 milliards. On a des traces. Mais l'eau, elle vient d'où? Vous avez un magma, il contient de l'eau également. Donc, sous l'effet de la cristallisation d'un magma, il y a un reliquat d'eau. Et cette reliquat d'eau, par la suite, il va former nos océans. Mmh. Et donc, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et ça, c'est quelque chose. Alors, bien entendu, ça dépasse, moi, mon champ de compétences. Mais on a, par exemple, des collègues à l'Institut de physique du globe de Paris qui bossent là-dessus. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand ces océans vont commencer à se mettre en place aux alentours de 4 milliards. Là, déjà, les Américains ont publié un article il y a quelques années, 2-3 ans. Ils nous disent qu'à 4,1 milliards d'années, on avait déjà de la matière organique et du vivant dans un environnement marin. Mmh. Du vivant. Du vivant. Donc là, on remonte tout d'un coup à plus de 4 milliards d'années avec des traces de forme de vie. Absolument, alors. Ça a été publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines. Bien sûr, comme toujours, c'est débattu. Voilà, c'est controversé, mais si c'est vrai, ça veut dire que la vie est apparue dans les tout premiers âges de notre planète. 400-500 millions d'années après la mise en place de notre planète. Ouais. C'est étonnant hein, quand on y pense. On se dit, si ça s'est passé comme ça sur notre planète, la vie doit être partout dans l'univers, parce que finalement, dès que les conditions sont réunies, elle apparaît, elle perd pas trop de temps pour apparaître. Alors, vous l'avez bien dit, dès que les conditions sont réunies, et on a toujours, pendant très longtemps, on a imaginé notre planète totalement austère, hostile à la vie, jusqu'à même 3,5 milliards, on a imaginé des températures océaniques extrêmement élevées, etc. Et tout ça aujourd'hui est derrière nous, parce que les techniques ont évolué. Il y a eu plusieurs publications, plusieurs articles qui montrent, par exemple, quand les océans sont mis en place, les températures des océans au départ, c'est vrai que c'était élevé, peut-être pas propice, mais après, on était autour de 40 degrés, 35 degrés aux alentours de 3,5 milliards. Alors vous nous avez dit, certains imaginent que les briques du vivant, hein, des protéines ou des acides nucléiques, sont arrivées via l'espace, par le bombardement météoritique. Il y a des hypothèses encore plus audacieuses qui disent que la vie est venue d'ailleurs, une sorte d'ensemencement de la Terre par des météorites qui portaient en elles des organismes unicellulaires. Une hypothèse qui est loin de satisfaire tout le monde, à commencer par l'astrophysicien Hubert Reeves. Nous n'avons aucune preuve que la Terre ait été ensemencée. Et en fait, je ne suis pas certain que cette hypothèse soit très intéressante. Parce que si on veut admettre que la vie n'est pas apparue sur la Terre, mais qu'elle est venue d'ailleurs, c'est l'idée de la panspermie, alors nous avons le problème supplémentaire du transport. C'est-à-dire arriver à imaginer comment des corps vivants, ou en tout cas des molécules organiques complexes, ont pu survivre à un voyage interplanétaire de millions ou de milliards d'années sans être complètement détruits par les rayonnements de l'espace, cela apparaît très difficile. Je crois qu'on se complique la vie en supposant que la vie vient d'ailleurs, puisque bien sûr ça ne résout rien. De dire la vie vient d'ailleurs, oui, mais d'où vient-elle? Alors quelle est la cause initiale et à quel endroit a-t-elle pu se former? Hubert Reeves, en 1995, qu'est-ce que vous pensez de sa réflexion à Abderrazak? Moi, je suis un fan, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec lui. Traverser des conditions aussi complexes, arriver sur Terre sous forme de cellules encore vivantes, ça relève de la... Et encore, j'allais dire, la science-fiction, et encore. Ouais. Non, aujourd'hui, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse de cette fameuse soupe primitive sur notre planète. Hein, voilà, donc on a, à certains endroits particuliers, on a créé des... Enfin, on a créé... Il y a des conditions qui sont là, réunies pour que la vie puisse se développer. C'est une hypothèse. L'autre, comme je disais tout à l'heure, ça a été modélisé. Hein. Donc, une équipe française avait publié... Donc, simulé par informatique. Hein. Informatique. Il montre que des éléments comme carbone ou autres venant par le bombardement de météorites carbonées, mais attention, là, on n'est pas en train de faire venir des bactéries ou des cellules, des éléments chimiques qui vont après se mettre, on appelle les briques du vivant, et nous permettre d'avoir par la suite des cellules, des bactéries. Ouais. Et alors ces bactéries vont avoir un impact monumental sur notre planète, sur la composition de son atmosphère. Ça va changer le cours de l'histoire de la planète. Absolument. On leur doit beaucoup. Hein. On leur doit beaucoup parce que l'oxygène qu'on respire, c'est grâce certaines formes de bactéries, notamment les cyanobactéries. Hein. Sans les cyanobactéries, il n'y aurait pas d'oxygène ni dans l'eau ni dans l'air. Il n'y aurait pas d'émergence de vie pluricellulaire. Donc, c'est vers 2,1 milliards, on a un pic d'oxygène qui se met en place. Donc, il y a une corrélation très nette. Pour qu'on s'y retrouve hein, dans l'histoire, il y a une période que l'on appelle la grande oxygénation liée à ces micro-organismes. Absolument. Il y a un peu plus de 2 milliards d'années. Et au même moment, c'est là qu'apparaissent ces formes de vie complexes avec plusieurs cellules que vous avez identifiées dans les fossiles du Gabon. C'est-à-dire qu'il y a un lien à partir du moment où l'oxygénation de l'atmosphère a été suffisamment importante, la vie complexe a pu apparaître à la surface du globe. C'était lié ? C'était lié dans le sens où l'oxygénation était globale à cette époque-là. On ne l'a pas enregistré seulement dans le bassin de Franceville au Gabon, mais c'est quelque chose qui est enregistré dans les endroits du globe, cette montée d'oxygène est enregistrée partout. Après, sur la deuxième phase de montée d'oxygène, juste avant les Diakariens, hop, on voit émerger la fonte des Diakara et c'est formidable. Alors là, vous venez de faire un bond de 1,5 milliard d'années. Les Diakara, on est en Australie. On est en Australie. Il y a un nouveau pic d'oxygénation puisque le taux d'oxygène dans l'atmosphère avait descendu entre-temps. Donc, il faut imaginer que ces formes de vie pluricellulaires ont émergé à différents moments de l'histoire de la vie sur Terre. Grâce à cette montée d'oxygène. Cet oxygène, et là c'est des choses que j'apprends grâce à mes amis biologistes, leur apporte leur carburant. Hein. La cellule va commencer à se dire, voilà, moi je vois arriver un élément nouveau, il faudrait que je coopère avec ma voisine. Et donc on commence à avoir des tas d'organismes multicellulaires qui vont se développer. Le problème, c'est que cet oxygène-là, pendant ces périodes reculées de l'histoire de la Terre, il fonctionnait en yo-yo. Donc il va baisser vers 2 milliards. Première crise biologique, première extinction, et donc le biota du Gabon va disparaître. La même chose arrive pour le biota australien. Cette montée d'oxygène va être suivie par une baisse, et cette baisse d'oxygène va leur être fatale. L'histoire se répète, y compris pour les scénarios du vivant. Nous allons continuer cette exploration des scénarios de l'apparition de la vie sur Terre avec vous, Abderrazak El Albani, dans la suite du Vent dans les synapses. On m'a toujours raconté dans la Big Bang théorie que d'abord il y a eu des microbes et des bactéries dans l'océan primordial, ça niquait pas mal. On finissait toujours par faire un nouvel animal. Il y a eu des shrimps, des fish, des sharks, des gros trucs qu'on voyait que dans Jurassic Park. Puis ils sont sortis de l'eau, puis il y a eu les dinos, les petits rongeurs, les prédateurs, et puis moi et ma sœur. France Inter. Daniel Fievé. C'était Désolé, Fatoumata, Diawara et Gorillaz. France Inter. Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs. Du vent dans les synapses. Durant des siècles, l'opinion généralement admise quant à l'origine des espèces avait été celle du créationnisme biblique. On croyait que toutes les espèces animales et à plus forte raison l'espèce humaine avaient été créées séparément dans l'état même où nous les voyons aujourd'hui. Or voilà que par Darwin, nous apprenons que tous les animaux, y compris nous-mêmes, sont parents les uns des autres et que tous nous descendons par complications graduelles d'organismes primitifs extrêmement simples. Le biologiste et historien des sciences Jean Rostand, en 1949, Darwin, en son temps, s'est battu contre des croyances et des dogmes. Et les dogmes continuent de tomber concernant l'apparition de la vie sur Terre. On le découvre en lisant le livre de notre invité Abderrazak El Albani, « Comment tout a commencé », paru aux éditions Humaines Sciences. Vos recherches concernent des périodes antérieure à celle auquel s'est intéressé Darwin. Vous n'êtes pas sur les épaules de Darwin, vous. Sous les pieds de Darwin. Vous êtes sous les pieds. Moi, mais je suis sous les pieds de Darwin. J'adore cette expression. Oui, oui. C'est génial parce que Darwin lui-même, il s'est posé la question quand il a travaillé sur l'histoire de l'évolution. Il se posait la question, mais comment est-ce possible que ça démarre aussi sophistiqué? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui a démarré à un moment particulier de l'histoire de la Terre. C'est posé cette question. Il a fallu plusieurs vies pour qu'il puisse étudier tout ça. Ouais. Quel lien de parenté avons-nous avec ces formes de vie que vous avez découvertes au Gabon et qui datent de 2,1 milliards d'années? Ah ben, le lien de parenté direct, on ne le connaît pas. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous, l'Homo sapiens sapiens d'aujourd'hui, nous sommes un tas de cellules. Il faut le dire, eucaryotes, nous sommes des organismes multicellulaires. Ouais. Hein, on est d'accord. Eucaryotes avec noyau. Cellules avec noyau. Les premières cellules avec noyau, à un moment ou à un autre, ils ont dû émerger sur Terre. La question qui est posée, que tous les biologistes et les géologues, les philosophes se posent, c'est à partir de quel moment? Parce qu'au début, c'est les bactéries qui vont régner jusqu'à aujourd'hui, depuis 3,5 milliards d'années. Mais ces pauvres eucaryotes, ils ne vont pas attendre 520 millions d'années pour se développer. C'est pas possible, parce qu'il y a du temps, il y a des changements environnementaux qui ont fait que il y a le développement des cellules avec noyau. Il y a une très longue histoire, une histoire tellement longue que pour certains morceaux, les scientifiques parlent de milliards ennuyeux, d'années ennuyeux. Alors ça se situe où et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce milliard ennuyeux? Alors c'est ce qui explique un petit peu notre intérêt. Quand on dit on travaille sous les pieds de Darwin, c'est-à-dire on va s'intéresser à toute la période de l'histoire de la Terre et de l'histoire de la vie, plus vieille que 520 millions, 540 millions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, l'émergence de cette vie magnifique multicellulaire au Gabon, grâce à cette montée d'oxygène, et puis ils vont disparaître parce que baisse d'oxygène, et puis première extinction. Et on rentre dans une phase où la planète, pendant un milliard d'années, va plonger dans une période avec peu d'oxygène. Les anglo-saxons utilisent le terme « boring billion », milliard ennuyeux. Alors pourquoi c'est ennuyeux? Je n'en sais rien, mais les bactéries survivent, il n'y a aucun problème. Ouais. Sauf qu'on a peu d'oxygène dans le système. Et vous dites lors d'un de vos cours qu'un étudiant vous a demandé « mais monsieur, comment tout un milliard d'années peuvent-ils être ennuyeux ?» C'est vrai, et ça c'est parmi les énigmes. On n'a pas encore réussi, quand j'ai dit tous les chercheurs du monde entier, pourquoi pendant un milliard d'années, l'oxygène va rester relativement bas à l'échelle de notre planète. Et nous, on travaille, on a des sites en Mauritanie, en Inde, on travaille sur ces périodes-là. Finalement, à chaque site géologique, sa période de l'histoire de la vie, et après vous essayez de reconstituer la frise chronologique. Et bien, grâce à ces collaborations, grâce à l'international, et ça c'est la force de notre université, grâce à des collaborations, on arrive à mettre le pied, enfin en tout cas les chantiers scientifiques dans ces pays-là, il se trouve que ça couvre l'intervalle de temps qui nous intéresse. Ouais. Donc il faut bouger, le géologue c'est son métier, il faut aller sur le terrain et puis par la suite on travaille au laboratoire. Pendant ce milliard ennuyeux qui commence à peu près il y a 2 milliards d'années et qui finit il y a 1 milliard d'années, il s'est passé des choses passionnantes sur le plan géologique, c'est-à-dire on parle souvent de ce continent unique, la Pangée, qui était là il y a quelques centaines de millions d'années, mais avant cela, les terres se sont morcelées, des continents très différents de ceux que l'on connaît se sont séparés, se sont rapprochés. Si on avait été cosmonaute à ce moment-là, on aurait vu une planète tout à fait différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je suis bien placé pour dire qu'on n'est pas à l'abri d'une découverte qui pourrait nous dire qu'il n'était pas si ennuyeux que ça. Oui. Mais ce serait quand même mal placé de ma part de dire. Mais très clairement, pendant 1 milliard d'années, on ne peut pas imaginer une Terre complètement fainéante, inerte, ça ne bouge pas. Non, il y a eu des mouvements de plaques, ça a toujours bougé. Mais alors, pourquoi cet oxygène-là est resté relativement assez faible pendant cet intervalle de temps? Très sincèrement, aujourd'hui, la question reste ouverte. Ouais. C'est clair. Cet oxygène, il est peut-être bas à certains endroits, mais peut-être plus présent à d'autres. Mais on peut imaginer que l'atmosphère terrestre n'est pas la même composition en termes de concentration. Oui, partout sur Terre. Oui, parce que si vous voulez, cet oxygène, c'est les cyanobactéries. Si qui on le est produisent. Dans, c'est elles par photosynthèse aujourd'hui. Bon, bah les forêts, les plantes, etc. Mais à l'époque, il n'y a pas de plantes. Non, il n'y a pas de plantes. Absolument pas. Le poumon de notre planète, c'est les océans. Voilà. Et dans ces océans-là, il y a ces cyanobactéries qui vont faire leur photosynthèse. Et ben, ces cyanobactéries, à certains endroits, s'ils ont de quoi manger, parce que les cyanobactéries, c'est comme tout être vivant, ils ont besoin de nourriture. Et ben, s'il n'y a pas suffisamment, ben, il n'y en aura pas, ou peu. Donc, peu de photosynthèse, peu d'oxygène. Mais si on est dans un contexte où les roches environnantes leur permettent d'apporter des éléments via les courants de rivière ou des choses comme ça, ils se développent. Et en quel cas, on a une explosion de cyanobactéries et d'oxygénation. Donc, c'est pour ça que, est-ce que c'est ce milieu ennuyeux global à l'échelle planétaire? Moi, je ne suis pas sûr. Très sincèrement, aujourd'hui, les résultats qu'on a, ils ne plaident pas pour cette hypothèse-là. Voilà. Et la question reste ouverte. Ouais. Alors, faut bien avoir en tête l'échelle des temps. C'est-à-dire que souvent, on nous raconte l'histoire des dinosaures, mais la disparition des dinosaures, c'était il y a 65 millions d'années. Souvent, on nous parle des grandes crises d'extinction, mais tout ça se passe dans les 500 derniers millions d'années. Et vous, vous y allez à coups de milliards d'années. Ben oui, donc, on est bien en arrière, là. Des crises biologiques, il y en a eu. Ouais. Il y en aura encore. Moi, je suis pas inquiet. Donc, on parle que des 5 crises. La plus importante, c'est pas celle des dinosaures, c'est celle de 250 millions d'années. Et d'ailleurs, on parle d'une histoire d'oxygène là-dedans qui pourrait être fatale aux vivants, au moins dans les océans. Donc, l'oxygène aurait baissé sur les fonds océaniques et fait que, les organismes qui ne peuvent pas supporter cette baisse d'oxygène vont souffrir. Mais si on revient sur des temps beaucoup plus anciens, effectivement, il y a eu des crises biologiques, en tout cas au moins deux, qui sont majeures et qui sont tout simplement liées au fait que l'environnement n'était plus propice pour le développement. Donc, quand les conditions sont là, la vie se développe. Quand les conditions sont plus là, on a une crise biologique et puis la vie sort toujours renforcée des crises. Ça, je suis absolument persuadé et on le voit au cours de l'histoire. Mais tout de même, pourquoi le démarrage a-t-il été si lent? Parce que finalement, les animaux, les plantes, toute cette diversité, ça arrive dans les 500 derniers millions d'années. C'est-à-dire que pendant 3 milliards, on a des micro-organismes ou des organismes pluricellulaires, mais quand même relativement discrets. C'est vrai, ça a pris du temps. Mais si vous reculez le curseur à 2 milliards d'années, vous verrez quand même, quand on a des organismes aussi complexes, ça veut dire que la vie, elle a eu des conditions pour se développer. La vie est coriace. Elle essaye, fait des tentatives, il y a des échecs par la suite, si les conditions ne sont plus là. Cette période reculée, l'oxygène n'était pas encore stable sur Terre. Donc, ça faisait des yo-yos et donc, ça suit l'environnement biologique, le vivant, il suit cette histoire de dynamique d'oxygène. Mais quand on va rentrer sur les 540 millions d'années, l'oxygène va se stabiliser dans l'atmosphère. De temps en temps, on a des crises. Mais ce n'est pas des crises suffisamment importantes comme celles qu'on a au niveau de la Terre primitive. Et à chaque crise, chaque bouleversement, vous dites la vie est coriace. Ça veut dire qu'elles ont été finalement, avec le recul, nécessaires, ces grandes révolutions, ces grands chambardements qui ont pour un temps fait diminuer la biodiversité sur Terre. Mais quelques millions d'années après, la vie est ressortie presque plus forte. Exactement. Quand vous voyez, par exemple, la disparition des dinosaures, si je prends la crise la plus spectaculaire, la plus connue, la plus récente, il y en aura d'autres. Et tout simplement, quand les dinosaures sont partis, qui va prendre le pas? Les mammifères. Ils vont exploser. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, quand des formes de vie disparaissent, d'autres vont prendre le pas. C'est tout simplement ça. Vous venez de dire discrètement, il y en aura d'autres. Pourquoi voulez-vous qu'on échappe? Ça viendra. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Mais je veux dire, on fait partie du vivant et on va nous arriver un jour ou l'autre, ça viendra, qu'on disparaisse comme tout être vivant et on sera remplacé ou pas. Ouais. Mais ça, on suivra le cheminement classique d'une évolution. Ouais. Mais quoi qu'il arrive à notre planète, la vie trouvera le chemin. La vie s'adapte. Sans problème. Tant que la Terre existe. Évidemment, quand le Soleil explose et que la Terre disparaît, là... Ah là, c'est une autre histoire. Mais tant que la Terre existe, la vie s'adapte. Merci Abderrazak El Albani. Un mot sur la forme particulière de votre ouvrage, hein, Comment tout a commencé sur Terre, coécrit avec Roberto Macchiarelli et Alain Meunier aux éditions Humaine Science. C'est un livre illustré avec la dessinatrice Adelina Kulmakanova qui l'a entièrement écrit à la main. Hein. C'est vraiment un très bel ouvrage. Hein. C'est de l'art, hein, ce livre. Ça donne un côté carnet d'expédition à votre ouvrage. Un grand merci à vous. Merci à vous. Abderrazak El Albani. Et bon retour à Poitiers. Merci. Hein. La suite devrait vous intéresser, Abderrazak. Dans un instant, nous allons parler d'une forme de vie actuelle, mais tout à fait à part dans le règne du vivant. Ce n'est ni un champignon, ni une plante, ni un animal, ni une bactérie. Les scientifiques l'ont surnommé le blob et ils vont de surprise en étudiant son comportement. Nous allons le découvrir avec une spécialiste de la créature, Audrey Dussutour. Et tu ne décroches plus, ça m'écorche. Je m'efforce de rester fort. À la part tesselée, tu m'as laissé sonner. Pas pour me réjouir, mais je sais que c'est moi qui lasse. Ton cœur n'aime pas le faux. Mes excuses font pas d'effet. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire un état de compte de fait. Je me demande parfois pourquoi tout se perd fort. Alors que c'était parfait. S'il te plaît, s'il te plaît. Si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, je sais que t'en as assez de ma voix qui déraille. Je te parle de mon ex sans faire le vide en moi. Il suffit d'un mot de travers pour que la discussion dérape. Parce que la peur de réavoir mal prend toute la place. Tu as perdu confiance, j'en ai bien conscience. Pourtant mes yeux ne mentent pas. Les jours n'ont plus de contours. Je ne sais plus quand la nuit me passe. Mes joues deviennent toutes rouges quand je te déshabille du regard. Pour à nouveau s'étendre sur le canapé ensemble, j'attendrai. Si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, si on s'aime, c'était Aloïse Sauvage. France Inter, du vent dans les synapses. Il n'a pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac ou de pattes. Et pourtant, il voit, il sent, il digère et se déplace. Il n'a ni système nerveux, ni cerveau. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes complexes et d'élaborer des stratégies. Et il est aujourd'hui étudié par des chercheurs du monde entier. Voici la véritable histoire du blob. Voici commence le documentaire intitulé Le Blob, un génie sans cerveau, qui sera diffusé sur Arte samedi prochain à 22h30, mais que l'on peut voir dès aujourd'hui sur arte.tv. Bonjour Audrey Dussutour. Bonjour. Vous êtes biologiste au CNRS, vous étudiez cette étrange créature que vous avez surnommée le Blob. On vous voit dans le documentaire d'Arte. Et vous avez d'ailleurs consacré un livre aux éditions Équateur, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. Alors cet organisme n'est ni un champignon, ni une plante, ni un animal, ni une bactérie, et pourtant il vit. On doit le classer où dans le grand arbre du vivant, le blob ? Alors il fait partie d'un règne qu'on appelle les amébozoaires. Alors, c'est un règne qu'on n'apprend pas à l'école. Non. Alors c'est un règne qui va partager un peu des traits animaux, végétaux et champignons. Donc le blob, c'est un organisme qui est unicellulaire, donc composé d'une seule cellule. Mais il mange comme un animal, Et il se reproduit surtout comme un champignon. C'est pour ça qu'on l'avait, pendant très longtemps, classé dans le règne des champignons. Alors, unicellulaire, mais en même temps, on le voit à l'œil nu, parce qu'il peut faire plus d'un mètre, cet animal. C'est une des rares cellules qui fasse cette taille à la surface du globe. Exactement, puisqu'il peut atteindre la taille record de 10 mètres carrés. Elle a été enregistrée dans le Guinness des records. Oui, c'est ça. Alors, unicellulaire, mais avec plusieurs noyaux. C'est vraiment un être vivant à part. C'est-à-dire qu'il a plusieurs copies de son ADN dans plein de noyaux à l'intérieur d'une seule cellule. C'est ça, tout à fait. Après sa naissance, entre guillemets, il a un seul noyau au départ, mais ces noyaux vont se diviser au cours de mitoses successives et on va avoir des cellules qui vont avoir plusieurs millions, voire milliards de noyaux à l'intérieur d'une seule cellule. C'est ce qu'on appelle un syncytium. À quoi il ressemble exactement? Alors, on va mettre évidemment une photo sur le Facebook du Vent dans les Synapses, mais pour ceux qui n'ont pas l'image, ça ressemble à quoi un blob? Une omelette. Ah oui, une omelette. C'est jaune, on dirait des œufs brouillés, c'est pas très ragoûtant. Moi, je le trouve joli, mais je pense que c'est une déformation professionnelle. C'est un peu gluant? Tout à fait gluant, c'est un peu humide. Ça sécrète du mucus en permanence, donc vous savez, c'est un petit peu comme la bave des escargots, donc c'est pas très ragoûtant. Face à cette forme de vie, des gens ont pris peur. Vous racontez dans votre ouvrage qu'en 1973, au Texas, une femme s'est inquiétée de trouver cette drôle de bestiole dans son jardin. Oui, Marie Harris, qui avait trouvé en fait un cousin de Physarum polycéphalum. Ça, c'est son nom scientifique. Voilà. Et elle avait trouvé son cousin qui s'appelle Fuligo septica, ou dog vomit en anglais. Mm-hmm. Et elle avait pris peur et elle avait essayé de le tuer par maintes procédés, alors des coups de râteau, des insecticides, etc., jusqu'à appeler la police. Qui l'a canardé. Qui a tiré dessus avec une arme à feu. Voilà, ils ont tiré dessus, mais rien n'y fait. Oui. Et finalement, au cours d'une nuit, il a disparu et ils ont conclu qu'elle avait été visitée par un alien. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment une dimension un peu inquiétante quand on ne connaît pas cette drôle de bestiole. Quelles sont ses caractéristiques biologiques? Alors, sa caractéristique la plus incroyable, c'est qu'il double de taille tous les jours. Donc, c'est quand vous l'avez à la maison, hein, ça peut prendre beaucoup de place. Et il a aussi cette capacité à régénérer, c'est-à-dire que vous pouvez endormir le blob, il va former une forme de lichen, et vous pouvez le garder endormi comme ça pendant plusieurs années. Et vous pouvez le réveiller juste en mettant un petit peu d'eau dessus. Et là, quand il va se réveiller, il va être plus jeune. Donc, c'est comme s'il était plus ou moins immortel. Oui, c'est-à-dire qu'il se dessèche, il rentre en dormance comme ça pendant plusieurs années. Quand les conditions deviennent favorables, il renaît. Exactement. Et on s'est aperçu que cette cellule, cet organisme, il vieillit comme tout organisme vivant. Mais quand il rentre en dormance, il est capable de régénérer, donc de remettre un petit peu la pendule à l'heure et de recommencer sa vie. Une nouvelle jeunesse. Plein de bizarreries avec cette forme de vie. Il se reproduit comment? Alors, il a une reproduction sexuée, comme nous, mais il a 720 types sexuels, c'est-à-dire que 720 conformations génétiques différentes. Et il faut qu'il soit de différents types sexuels pour qu'il y ait fusion entre deux gamètes et pour que ça forme un nouveau blob. Donc, disons qu'il a beaucoup de possibilités. Il faudrait vraiment qu'il n'ait pas de chance pour tomber sur le même type sexuel que lui. Ouais, ça fait beaucoup de combinaisons possibles. Comment il se nourrit? Exactement. Alors, il se nourrit par un procédé qu'on appelle la phagocytose. En réalité, il engouffre la nourriture dans sa membrane et il se nourrit principalement de bactéries et de champignons. Vous, en laboratoire, vous avez mis au point, on le découvre dans le documentaire, des recettes, une trentaine de recettes pour nourrir le blob et voir justement s'il lui convient le mieux. Oui, exactement. On étudiait à l'époque la nutrition et c'était un organisme parfait puisqu'on pouvait regarder la nutrition au niveau cellulaire. Et pour cela, il a fallu créer des recettes pour blob, pour pouvoir manipuler la quantité de protéines et de sucre dans la nourriture. Et donc, on a créé des espèces de flans, en réalité, ça ressemblait à des crèmes brûlées, où on faisait varier justement le ratio protéines-sucre. Et on s'est aperçu que le blob était un génie de la nutrition, puisqu'il était capable de recomposer un régime optimal à partir de multiples régimes déséquilibrés. Ce qui est fascinant avec cette forme de vie, c'est que évidemment, il n'y a pas de neurones puisque c'est une seule et même cellule avec plusieurs noyaux, on l'a dit, mais elle se montre capable d'apprendre, de résoudre des problèmes, c'est-à-dire que face à un labyrinthe qu'elle doit arpenter pour trouver sa nourriture, elle trouve le chemin le plus court. C'est assez énigmatique pour les scientifiques. Oui, parce qu'en fait, il a une forme d'intelligence qui ne repose pas sur un cerveau. Oui. C'est ce qu'on appelle une intelligence qui est distribuée, un petit peu comme dans les colonies de fourmis, une forme d'intelligence collective. Et par exemple, dans l'exemple du labyrinthe, ce que fait le blob, c'est d'optimiser finalement son réseau veineux, parce que c'est une cellule, mais à l'intérieur, il y a un réseau veineux qui permet la circulation des nutriments, de l'oxygène, un petit peu comme notre système vasculaire. Mmh. Et il est capable d'optimiser ce réseau de manière à ce qu'il soit toujours le plus court possible et le plus efficace possible. C'est-à-dire qu'il, avec ce réseau veineux, il explore différentes voies possibles et puis ensuite ne reste que celle qui est la plus optimum. Exactement. Alors, ces recherches, ce n'est pas juste pour la beauté de comprendre, même si c'est déjà pas mal, ça permet aussi d'envisager des applications dans des domaines, par exemple, en médecine. Oui, tout à fait. J'ai un collègue, Hans-Gunther Doberheiner, qu'on voit dans le documentaire, qui, lui, étudie la morphogénèse de ce réseau veineux, donc la mise en place de ce réseau, et qui le compare au réseau vasculaire de certaines tumeurs, puisque ça obéit aux mêmes lois physiques. Et donc là, le blob va servir de modèle expérimental. Il a aussi un rôle important à jouer au niveau écologique, puisque c'est un organisme qui est forcément essentiel, comme tout organisme, dans les écosystèmes. Mais il a été montré qu'il est aussi capable d'accumuler des polluants, type des métaux lourds. Mmh. Donc c'est aussi quelque chose qui est poursuivi, là, sa fonction écologique. Pour dépolluer des sols, il pourrait rendre des services. Exactement. Quand le blob est-il apparu sur Terre ? Dans la première partie de cette heure, on a évoqué l'histoire de la vie sur Terre. Lui, il arrive quand dans cette histoire ? Alors, ses premiers ancêtres, c'est environ, alors c'est pas extrêmement précis, hein, ouais. Mais environ 500 millions, 1 milliard d'années. Ah oui. Donc, dans l'échelle de l'évolution de la vie, si on ramène ça à une année, il arrive en octobre à peu près. Ouais. Le blob survivrait-il dans l'espace ? Ah, c'est une bonne question parce que c'est un projet qu'on a en tête de l'envoyer dans l'espace. Alors, c'est un organisme qui, comme nous, consomme de l'oxygène. Donc, il a besoin d'oxygène. Il ne peut pas vivre dans le vide. Mmh. Mais nous, on est très intéressés de voir comment il réagit à l'absence de gravité en 0G. Donc là, c'est prévu. Vous allez envoyer à bord d'un microsatellite un spécimen de blob pour voir comment il se comporte. Si on arrive à réunir suffisamment de financement, oui, c'est notre projet, ouais. Mais c'est un projet à long terme. Ouais, il faudra venir nous raconter le résultat de l'expérience si elle se fait. Merci Audrey Dussutour. Pour en savoir plus sur cette créature, il y a le documentaire Le Blob, un génie sans cerveau, à découvrir à partir d'aujourd'hui sur le site arte.tv. Nous allons mettre un lien sur la page Facebook du Vent dans les Synapses et puis sur le site de l'émission. Le documentaire sera aussi diffusé samedi prochain à 22h30 sur Arte. Et puis bien sûr, il y a votre livre, Audrey Dussutour, aux éditions Équateur. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob, sans jamais oser le demander. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Et puis merci aussi à Cécile Finet, à France Bleu Toulouse, pour le duplex. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles découvertes. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Jean-François Zigel pour sa preuve par Z.